Exercice 3. Et au fait, tu connais le Mexique, Gabriel ? Oui, j'ai passé 3 ans super là-bas. Et puis après, je suis revenu avec mes parents en France. Et t'avais quel âge ? 14 ans. Et ça n'a pas été trop dur, le collège en France ? Non, à Mexico, il y avait un collège français. Et puis, ma mère m'a toujours beaucoup aidé pour les études. Et tu parles encore espagnol ? Bien sûr. C'est grâce à ça et à l'anglais que maintenant je travaille dans le service d'exportation de mon entreprise. Et du coup, je voyage régulièrement à l'étranger, surtout en Amérique du Sud. Moi aussi, j'aimerais bien parler autant de langues. Ça doit être pratique. Ouais, surtout pour les voyages.